En parcourant les figures de femmes qu'il écoutait, Fabrice remarquait depuis assez longtemps une petite figure brune fort jolie et dont les yeux jetaient des flammes. Ses yeux magnifiques étaient ordinairement baignés de larmes dès la huitième ou dixième phrase du sermon. Quand Fabrice était obligé de dire des choses longues et ennuyeuses pour lui-même, il reposait assez volontiers ses regards sur cette tête dont la jeunesse lui plaisait. Il apprit que cette jeune personne s'appelait Annetta Marini, fille unique et héritière du plus riche marchand drapier de Parme, mort quelques mois auparavant. Bientôt, le nom de cette Annetta Marini, fille du drapier, fut dans toutes les bouches. Elle était devenue éperdument amoureuse de Fabrice. Lorsque les fameux sermons commencèrent, son mariage était arrêté avec Giacomo Rassi, fils aîné du ministre de la Justice, lequel ne lui déplaisait point. Mais à peine eut-elle entendu deux fois « Monsignore Fabrice » qu'elle déclara qu'elle ne voulait plus se marier. Et, comme on lui demandait la cause d'un si singulier changement, elle répondit qu'il n'était pas digne d'une honnête fille d'épouser un homme en se sentant éperdument éprise d'un autre. Sa famille chercha d'abord sans succès quel pouvait être cet autre. Mais les larmes brûlantes qu'Annetta versait au sermon mirent sur la voie de la vérité. On en parla au palais Crescenzi, comme on en parlait partout. Clélia se garda bien d'ouvrir la bouche sur un tel sujet dans son salon, mais elle fit des questions à sa femme de chambre. Et, le dimanche suivant, après avoir entendu la messe à la chapelle de son palais, elle fit monter sa femme de chambre dans sa voiture et alla chercher une seconde messe à la paroisse de Mademoiselle Marini. Elle y trouva réunis tous les beaux de la ville, attirés par le même motif. Ces messieurs se tenaient debout près de la porte. Bientôt, au grand mouvement qui se fit parmi eux, la marquise comprit que cette demoiselle Marini entrait dans l'église. Elle se trouva fort bien placée pour la voir et, malgré sa piété, ne donna guère d'attention à la messe. Clélia trouva à cette beauté bourgeoise un petit air décidé qui, suivant elle, eût pu convenir tout au plus à une femme mariée depuis plusieurs années. Du reste, elle était admirablement bien prise dans sa petite taille, et ses yeux, comme l'on dit en Lombardie, semblaient faire la conversation avec les choses qu'il regardait. Clélia s'enfuit avant la fin de la messe.